السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc aujourd'hui on va inshallah finir ce fasl الذي يتعلق بالزاني. Donc là on va prendre la dernière fatwa liée au deuxième chapitre qui lui est en rapport avec le fornicateur. Après, ce qu'on dit pour le fornicateur, c'est valable pour la femme. Et ce qu'on dit pour la femme, c'est valable pour l'homme, sauf dans ce qui différencie l'un de l'autre, comme par exemple la grossesse, et ce genre de choses. Sans quoi, les arkem mouchtalika. Mais seulement, il y a des actes, c'est plus des hommes qui les commettent, et certains actes, c'est plus des femmes qui les commettent. Sans quoi, les arkem, les règles restent communes. طيب يقول لا يجوز تزويج الزاني حتى يظهر توبته. L'interdiction de marier le fornicateur tant qu'il ne s'est pas repenti. D'un repentir, bien sûr, évidemment, apparent. السؤال هل يجوز لي أن أزوج بنتي لرجل مسلم لكنه يرتكب بعض المعاصي الكبيرة كشرب الخمر والزنا. Donc un homme demande, m'est-il permis de marier ma fille à un homme musulman, mais qui commet des grands péchés, comme par exemple boire de l'alcool ou qui commet la fornication. Donc là c'est une réponse de Cheikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. يقول لا يجوز لك أن تزوج ابنتك برجل زان حتى يظهر توبته من الزنا وتستقيم حاله لقول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Donc il dit, il n'est pas permis que tu maries ta fille à un homme qui fornique tant qu'il n'a pas fait apparaître son repentir de la fornication et que sa situation ne s'améliore. Conformément à la parole d'Allah, dans le sens où il dit, le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur et que cela était interdit aux croyants. Non. Et ce qui est bien, c'est que là, par la suite, il va, biznillah ta'ala, clarifier ce verset, quel est le sens qui est voulu par là. Car souvent, fihi, shaybn al-iltibas, il y a un peu de confusion. Les gens, ce verset n'est pas bien assimilé. Wa ma'na al-ayati al-kalimati annahu yahrum 'ala al-mu'minin an yuzawwiju az-zani wa an yatazawwaju az-zaniyata fa in fa'alu dhalika kanu imma zunatan wa imma mushrikin. Wa wajhu hadha anna ar-rajula idha tazawwaja az-zaniyah فإما أن يرفض كون الزواج بها حراما ولا يعترف به وحينئذ يكون مشركا لأنه أحل ما حرمه الله ومن يؤمن بأن الزواج بها حرام ولكن لم يتمكن من التحكم في نفسه حتى عصى الله عز وجل بفعل ذلك فيكون زانيا لأن النكاح ليس بصحيح. Donc il dit, que veut dire ce verset, selon le verset qu'on vient de lire, c'est qu'il est interdit aux croyants de marier le fornicateur ou de se marier avec la fornicatrice. Et si jamais ils font cela, alors en agissant de la sorte, ils seront soit eux-mêmes des fornicateurs ou des associateurs. Dans quel sens? Que si jamais la personne, par exemple, un homme se marie avec une fornicatrice et qu'il refuse le fait que ce mariage soit interdit, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique? C'est-à-dire que cela implique qu'il refuse le jugement d'Allah Azzawajal, donc il devient par cela un kafir, qu'elle aura rendu halal, ce que Allah Azzawajal aura rendu haram. Donc en disant non, je peux me marier avec elle, c'est une fornicatrice, j'ai le droit, alors il aura refusé le hukm d'Allah Azzawajal et par cela aura mécru. Donc c'est pour ça que Allah Azzawajal dit que celui qui fera cela ne sera qu'un mushrik. Et dans le cas où il reconnaît que cela est interdit, mais le fait quand même, ça veut dire qu'il n'arrive pas à se maintenir, à se contenir et se marier quand même avec elle, alors il deviendra un fornicateur. Dans quel sens? Car il aura fait un mariage qui sera invalide. Donc voilà ce que le verset veut dire, pour ceux qui n'ont pas bien saisi. Celui qui se marie avec une fornicatrice, ou une femme qui se marie avec un fornicateur, deux choix devant elle. Soit la personne devient mushrika du fait qu'elle aura refusé le jugement d'Allah Azzawajal en rendant halal ce qui est haram, ou alors elle aura accepté que cela est interdit mais l'aura quand même fait, donc son mariage sera interdit et par cette interdiction, mariage invalide, donc une relation illicite. Donc ils deviendront par cela eux-mêmes des fornicateurs. Non. يقول هذا هو معنى الآية المبين الظاهر الواضح الذي لا يحتاج إلى تكلف أو تأويل. Donc il a dit ça c'est le sens apparent du verset qui est clair et qui n'a besoin d'aucune surcharge, ça veut dire d'aller chercher à comprendre la chose autrement que ce qu'elle nous apparaît. وأما إذا كان الخاطب عفيفا من عن الزنا ولكنه يشرب الخمر فإننا لن ننصحه بتزويجها إياه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. Donc il a dit, celui qui viendrait justement demander un mariage mais qui boit de l'alcool, il dit qu'on ne conseille pas de se marier avec lui. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne fornique pas mais qui boit de l'alcool. Il dit on ne conseille pas de se marier avec lui, selon la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit, c'est une personne vient pour demander la main, c'est-à-dire votre fille, ou quoi, dont vous agréez sa religion et son comportement, alors mariez-le. Donc il dit, celui qui boit de l'alcool, bah, il est certain qu'on n'agrée pas sa religion, car c'est un fasiq, tant qu'il ne se repentit pas à Allah azawajal de sa consommation d'alcool. Donc, lui, on ne le marie pas. Pourquoi ? Du fait qu'on n'agrée pas sa religion. Mais si jamais ce mariage devait avoir lieu, il resterait quand même valide du fait que c'est un musulman, avec une musulmane. Non. Soumaya Koul, sachez une chose, on précise que, on le répète, tout ce qui est drogue rentre dans le jugement de l'alcool. L'Ianan Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, quand les koul les muskirin khamroun, tout ce qui est enivre est de l'alcool en fait. C'est-à-dire ça prend le même jugement. Donc, tout ce qui est cannabis, tout ce qui est cocaïne, tout ce qui est les ballons que les gens y prennent pour qui les font rire, là, je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là, les nouvelles drogues qu'il y a. Toutes ces choses-là, ça prend le jugement de l'alcool. Même si certaines drogues enivrent plus que d'autres, comme on l'a déjà cité auparavant, ça reste quand même un enivrant, d'accord, même si la raison ne part pas totalement, mais ça reste le même jugement. Cela est interdit. Yakoul, الزوج الزاني لا يبطل عقد زوجته بسبب الزنا. Donc maintenant c'est une question qui dit que celui qui commet la fornication, on va dire plutôt l'adultère maintenant dans cette fatwa là, cela n'annule pas son mariage. السؤال امرأة زوجها يزني ويكلمها بذلك جهرا ولا يصلي ولديهم منه تسعة أطفال فماذا تعمل؟ Il a dit une femme qui est mariée mais son mari fornique, c'est-à-dire la trompe. Et lui-même lui dit cela clairement. C'est-à-dire, il ne s'en cache même pas. Et il ne fait pas la salat. Et ils ont 9 enfants. Comment doit-elle agir ? Comment doit-elle agir ? Yaqul Sheikh Al-Alama Al-Wadi'i. Non, là, c'est Shamoukbil, rahimahullah ta'ala. Iza kana la yusalli fa wa kafirun wa la tahillu lah. Si elle ne fait pas la salat, là, c'est un mécréant automatiquement. Donc, il n'est pas permis qu'elle reste avec lui. De ce simple fait. Amma mas'alat zina. فجريمة متعود عليه بالنار ولا يزال موحدا يعني لهما من لأهل التوحيد إن شاء الله عذب بقدر ذنبه وإن شاء غفر له. Il a dit quant au fait qu'il fornique, ça c'est un grand péché, c'est un crime, jarima, c'est-à-dire une chose qui est immonde et qu'il est sous la menace du châtiment du feu. Mais cela ne fait pas de lui pour autant un kafir. C'est-à-dire que il aura droit à ce qu'on aura droit comme privilège Jean Tawhid, c'est-à-dire d'entrer au paradis au final. Hein, mais si Allah veut, le châtiera auparavant pour avoir forniqué, et s'il veut, lui pardonne. Mais tant que c'est un muwahid, d'accord, alors son devenir sera le Jannah, sans pour autant qu'il ne soit épargné d'un châtiment expiateur au préalable. Amma la yusalli fa'r-rasoul sallallahu alayhi wa sallam yaqul bayna rajuli wa bayna shirki al-kufr tarku as-salat. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, entre l'homme et le shirk et le kufr, il y a l'abandon de la salat. Il a dit, la chose qui nous rallie les uns aux autres, c'est-à-dire en tant que croyants, c'est la salat. Celui qui la délaisse aura certes mécru. Donc, Shamoukbil voit que celui qui ne fait pas la salat, c'est un kafir. Donc, de là, par ce simple fait, cet homme-là n'est plus permis à cette femme-là. Quant au fait qu'il fornique, le fait qu'il ait fornique, qu'il ait trompé ou qu'il ait commis, cela n'annule pas leur acte de mariage. L'acte de mariage n'est pas pour autant annulé, car quand ils se sont mariés, tout était correct. Donc c'est-à-dire cette fornication, elle a lieu après, contrairement à la masala qu'on a pris précédemment, où là on marie quelqu'un dont on sait qu'il fornique déjà avant. Donc à ce moment-là, on ne peut pas le marier. Mais si une personne venait à commettre ce péché-là durant le mariage, cela n'annule pas son mariage. Maintenant, il revient à la femme, bien sûr, de demander de se séparer de lui. Ça, c'est un droit absolu qu'elle a. Ce n'est pas une demande de divorce qui sera illégitime de faire cela. Yaqul, man lam yasbir ala al-ghorba, falyatazawwaj liyaslam min al-khaba'ith. Donc maintenant, la masala, c'est quelqu'un qui est à l'étranger et qui n'arrive pas à patienter. Alors qu'il se marie pour éviter de tomber dans ce qui pourra être illicite. يقول السؤال هل يجوز للناس الذين يعملون في البلدان الأوروبية ويقضون فترة بعيدة عن زوجاتهم سنة كاملة وسنتين هل يجوز لهم الزنا أم لا لأن بعضهم لا يمكن أن يقدموا بعائلتهم إلى أوروبا. La question c'est est-il permis à des gens qui travaillent dans des pays lointains comme en Europe et qui passent une longue période loin de leurs épouses, voire un an, deux ans, leur est-il permis de forniquer ou pas? Car certains d'entre eux, il n'est pas possible qu'ils ramènent leur famille avec eux dans ces endroits-là. Donc là, c'est une fatwa de Al-Lajna Al-Da'ima. يقولون يحرم للمسلم أن يزني ولو غاب عن زوجته سنة أو سنتين أو أكثر. Donc il a dit, ils ont dit, il est interdit aux musulmans de forniquer. Là, c'est dans l'absolu. Même s'il venait à s'abstenir de son épouse un an ou deux ans, ou voire plus encore. وعليه أن يسافر إلى زوجته ليقضي بها وطره ويعف نفسه بما أحل الله له وإذا لم يتمكن من السفر إليها ولا من استقدامها إلى المكان أو إلى مكان عمله لأمر يمنع من ذلك فليتزوج أخرى جهة عمله مسلمة أو كتابية حرة عفيفة على ما شرع الله تعالى ليعف بها نفسه. Il a dit donc cette personne là doit alors, elle, retourner auprès de son épouse afin de pouvoir assouvir ses besoins et de pouvoir se préserver dans ce que Allah Azawajal lui a rendu permis. Et si Amine n'est pas possible de retourner dans son pays pour retrouver son épouse, c'est-à-dire qu'il est coincé pendant là-bas pour un certain temps, et qu'il n'est pas, il n'est pas possible de la ramener auprès de lui, là où il travaille, d'accord, alors à ce moment-là, qu'il se marie sur place avec une femme muslima ou alors une kitabiyya. C'est-à-dire une kitabiyya, c'est une juive ou une chrétienne. Et parmi ceux qui sont libres et qui sont chastes. Comme Allah Azawajal l'a légiféré. Afin de pouvoir garder sa chasteté. وَإِذَا لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ ذَلِكَ صَوْمٌ فَإِنَّ الصَّوْمَ يُضْعِفْ شَهْوَتَهُ أَوْ يَمْنَعُهُ عَنْ قَضَائِهَا فِيمَا حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Il a dit, si jamais il ne peut pas, c'est-à-dire se marier, alors qu'il jeûne. Car le jeûne affaiblira ses envies. Et sera sûrement une cause qui l'empêchera de pouvoir les assouvir dans le haram. Donc voilà la solution qui a été apportée à la personne qui serait loin, d'accord, un homme, qui serait loin de son épouse. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui lui revient de faire si jamais il voit qu'il ne peut pas patienter et qu'il ne peut pas retourner auprès d'elle, qu'il se marie sur place. Et vous constatez la illa que le savant y donne, c'est quoi le but? Car là, ça met, en fait, ça remet... en place certaines idées préconçues chez beaucoup, on va dire plus de femmes, dans la notion du mariage, qu'elles voient le mariage comme une chose de romance, comme une chose de sentimentale et ce qui s'ensuit. On dit ce n'est pas dans l'absolu. D'accord ? La cause principale du mariage, la première étape, c'est de ne pas tomber dans le haram. Donc quelqu'un qui viendrait à se marier par peur de tomber dans le haram, sans pour autant avoir une vision lointaine de fonder un foyer, ce qui s'ensuit, on ne peut pas le blâmer. On ne peut pas le blâmer. Pourquoi? Car en réalité, qu'est-ce qu'il a vu? Il a peur, lui, de tomber dans le haram, de tomber dans le zina, ce qui est parmi les grands péchés, qui peut lui valoir de base soit la flagellation, soit la lapidation. Donc là, à ce moment-là, il n'y a plus de place pour les « oui, il abuse des femmes », ainsi de suite. Non. Si jamais cette personne-là, elle est elle-même claire, par exemple, c'est un homme qui vit à l'étranger, il vient pour un certain temps, mais on sait qu'il va repartir, qu'il ne vit pas là, mathalen, et qu'il veut se marier avec une femme, sans pour autant lui montrer, lui faire des illusions, et lui faire croire un avenir, je ne sais comment, et qu'elle est au courant de sa situation, qu'elle se marie avec elle. Personne ne pourra le blâmer pour cela. Personne. Et elle, pareil, si elle veut se marier avec un homme, parce qu'elle tombe, elle a peur de tomber dans le péché, sans qu'elle ait pour autant non plus une vision lointaine d'un mariage un mariage d'une façon telle que les gens le conçoivent de façon générale, mais qu'elle a peur pour elle déjà de base, on dit marie-toi. Marie-toi. Et il se peut que par la suite, Allah mette la baraka dans ce mariage et qu'il perdure et qu'il s'ensuive un grand bien. Car pourquoi ? C'est quoi le but ? C'est le craindre Allah Azza wa Jal. Wa kama qala subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Et celui qui craint Allah, il lui accorde une issue et il lui accorde sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Donc une personne qui agit de la sorte, c'est pour pas craindre Allah Azza wa Jal. Donc c'est louable. Le but, c'est pas d'abuser ou juste de jouer, c'est de se préserver elle-même, de ne pas faire du haram. Car tu as des gens, malheureusement, dans une situation, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se masturber. On dit, vaut mieux que tu te maries avec une femme, sans avoir pour autant un avenir de foyer avec elle, plutôt que de te masturber. Et pareil pour une femme, vaut mieux que tu te maries avec un homme, pour assouvir tes besoins, plutôt que de te masturber. Car la masturbation, elle est interdite. Donc mariez-vous. Mariez-vous. D'accord ? Trouvez une personne adéquate, appropriée à ce genre d'attente, et mariez-vous. Et par rapport à ça, les gens qui parleraient sont des gens qui n'ont pas de fiqh, qui n'ont pas compris, et qui ont une vision du mariage qui n'est pas en concordance avec ce que Allah Azza wa Jal a légiféré. Quand il y a des gens, le problème, c'est qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont une vision de l'islam qui est basée en fait sur leur perception personnelle, sur leur fantasme en fait. Ce qui correspond avec ce qu'ils aiment, c'est l'islam. Et si les choses qu'ils n'aiment pas, ils vont dire que c'est haram ou c'est pas bien. On dit la religion ne vous appartient pas. La religion appartient à Allah Azza wa Jal. Comme a dit Ali ibn Abi Talib, quand il a dit bi ray la kana asfal al khuf awla bin mashi walakin ra'aytu an nabiy sallallahu alayhi wasallam yamsah zahir khufay. Il a dit, si Ali ibn Abi Talib, il a dit, si la religion était basée sur les opinions, les avis des gens, alors le dessous des khuf serait plus en droit d'être essuyé que le dessus. Cependant, j'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam essuyer le dessus. Donc, je fais comme lui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on ne doit pas concevoir la religion selon nos sentiments, notre perception. On doit se lier au texte. D'accord ? Se lier au texte. Car il y a des gens, c'est comme ça qu'ils sont. Quand une chose ne leur déplaît, ne va pas ce qu'ils ont connu au préalable, ils l'interdisent ou ils la voient comme étant mauvaise. Ils commencent à la juger. Ça même, certains en sont arrivés à critiquer des règles de l'islam. Ils étaient ignorants. Ils ont dit cette chose, elle n'est pas bonne. Pourquoi c'était pas bon ? Et après, tu leur montres des textes qui prouvent que si, en islam, tu peux le faire. Et ils ont du mal à accepter cela. D'accord ? Ça s'appelle un jahl murakkab, une ignorance aggravée. C'est une personne qui se croit savoir alors qu'elle ne sait pas. Donc il ne faut pas se précipiter à mettre des jugements avec nos têtes, avec nos sentiments, avec nos émotions. Ça, c'est une chose qu'on va trouver souvent chez les gens qui ont grandi loin de l'islam, comme les gens qui sont convertis ou les gens qui étaient loin du dîn, qui n'ont pas reçu une éducation religieuse. Ils rentrent dans la religion avec une philosophie, avec certaines perceptions. Quand l'islam coordonne, ah, ils aiment trop ça. Mais quand ça me va à l'encontre, là, c'est pas bon. Il y en a, ils ont apostasié à cause de ça, même. À cause de ça. Ils veulent mettre une place où il n'y en a pas. Donc, attention à ça. D'accord ? Ne pas se faire avoir. Voyez ? Et vous commencez à critiquer des gens pour une chose qui n'est, en islam, qui n'est pas critiquable. Qui ne mérite pas d'être critiqué pour cela. Tout comme on dit aux gens également de ne pas abuser de ce genre de fatwa pour pouvoir assouvir leur désir, leur simple désir. Là, la fatwa, c'est quoi ? C'est que la personne se préserve de tomber dans le haram et non pas d'aller jouer avec des femmes. De se préserver, il voit qu'il va craquer, qu'il risque de tomber dans le haram, on dit alors marie-toi. Trouve une femme qui va correspondre à ses attentes et marie-toi. Et pareil pour une femme, elle est célibataire. On va dire à cette femme-là, marie-toi. Le but, c'est pas de jouer avec un homme, mais c'est de se marier. Pourquoi ? Pour ne pas tomber dans le haram. Et après, si la niyyah, elle était bonne de craindre Allah Azzawajal, on espère par la suite qu'il y a une baraka. Mais les gens qui prennent ce genre de fatwa, qui vont dans les pays étrangers, qui cherchent des femmes pour se marier avec elles et après divorcer avec une niyyah de divorce ou les jeter en l'air, ça non. C'est pas ça que la fatwa a dit. Il y a même des ulama, cette fatwa je ne suis pas d'accord, je vous le dis, mais il y a même des ulama comme Cheikh Ben Baz, il me semble que c'est lui qui avait dit ça, qu'il est permis de se marier avec une femme avec la niyyah de divorcer. Par exemple. Ça c'est son avis. Vous voyez ? Et il voit ce genre de situation-là, que quelqu'un qui va dans un pays où il sera loin, il ne va pas rester, et il va tomber dans le haram, il dit marie-toi, même si tu comptes divorcer par la suite. C'est un avis qu'il a. Cet avis-là, il est marjouh. D'autres ulama le remettent en question, ne sont pas d'accord avec lui. Car il y a une forme de tromperie pour la femme, une forme de tromperie pour le wali. Donc quoi qu'il en soit, innamal a'mal binniyat. Innamal a'mal binniyat. Que les actes ne valent que par les intentions. Donc Allah Azza wa Jalla sait ce qu'il y a dans les cœurs. Lorsque la personne agit, qu'est-ce qu'elle cherche par cela ? Et ainsi de suite. Taïe. يقول بعد ذلك استعمال حبوب منع الحمل لا يسقط حكم الزنا ولا حده على الزاني والزانية. Donc maintenant c'est la masala des pilules contraceptrice, c'est-à-dire celle qui empêche d'avoir tombé enceinte. Est-ce que le fait de prendre ces pilules permet de pouvoir forniquer ? هناك آيات في القرآن الكريم تذكر أن الزنا حرام وهو من الكبائر وقد حرم الزنا لمنع الاختلاط الأنساب ولكن المقتلدين للدين الإسلامي الآن يقولون إن السبب قد عولج وهو استعمال الحبوب المانعة للحمل وإنه لا مانع من الزنا ما دام أن السبب قد زال فما هو رد سماحتكم على ذلك فما هو رد سماحتكم على ذلك Donc le questionneur a dit qu'il y a dans le Coran un verset qui stipule que le zina est interdit et que cela fait partie des grands péchés. Car cela cause le mélange des généalogies. D'accord ? En forniquant, ça veut dire que l'enfant qui naît de cette union, Mathalène, eh ben il va troubler l'arbre généalogique par rapport à son père, et ainsi de suite. Et il y a certains contestataires, détracteurs de l'islam, c'est-à-dire des koufars, qui disent, aujourd'hui, cette cause a été réglée. Le problème a été traité par les pilules qui empêchent de tomber enceinte. Donc, il n'y a plus d'empêchement à forniquer, étant donné que la cause de l'interdiction a disparu. Donc, quelle est votre réponse à cela ? Là, c'est le fatwa de Al-Lajna Al-Da'im. يقولون الزنا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين سواء أدركت علة التحريم فيه ويا حفظ الأنساب وحفظ أعراض النساء وأوليائهن من النيل بالسوء أم لم تدرك Donc ils disent que la fornication interdite par le livre, la sunna et par le consensus des musulmans. Et peu importe que la illa, c'est-à-dire la cause de l'interdiction, qui soit la protection de la généalogie ou la protection de l'honneur des femmes ou des aouliens soit préservée ou non. C'est-à-dire que cette cause soit conçue ou non. والأصل في الأمور الشرعية قبولها معللة أو غير معللة. ولحكم كثيرة قد تخفى بعضها على بعض الناس. وليس حفظ الأنساب هو العلة الوحيدة. ولو فرضنا أنه العلة فقط لم يجوز تعاطي الزنا لأمن من الحمل لأن ما حرم الله تعالى تحريما مؤيدا لم يجوز للمسلم فعله سواء وجدت العلة التي يعتقدها أم لم توجد لأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم فيما شرعه لعباده وفيما يقضيه ويقدره ولو كان الزنا يجوز في بعض الحالات لبينه سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا Ils disent plutôt car la base dans les choses de la législation, c'est qu'on les accepte, qu'on ait la cause connue ou pas. Qu'une chose est interdite, qu'on sache pourquoi elle est interdite ou pas, on doit accepter quand même. Et il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de causes qui sont là. Telle chose est interdite pour telle raison. Telle chose est interdite pour telle raison. Et certaines causes nous échappent, on ne les connaît pas. Et ils disent, le but de l'interdiction de la fornication n'est pas simplement de protéger la généalogie ou même l'honneur. Et quand bien même ça aurait été la seule cause pour de vrai, il n'aura pas été permis de forniquer, même en étant préservé de la grossesse. Car ce que Allah Azawajal a rendu interdit de façon stricte, il n'est pas permis aux musulmans de le faire, que l'on trouve la cause ou pas. Car Allah Azawajal, il est sage, il est omniscient dans ce qu'il a légiféré pour ses serviteurs, et pour ce qu'il a décrété, et pour ce qu'il a prédestiné. Et si jamais la fornication avait été rendue permise dans certaines situations, Allah Azawajal l'aurait déclaré. Et dans le sens où Allah dit, et ton Seigneur n'a rien oublié. Donc, il faut comprendre une chose, que même si une cause, lors d'une interdiction, la cause a été trouvée et qu'elle a été, elle s'est dissipée, ça n'empêche pas pour autant que le hukm reste effectif. Et ça, c'est dans plein de situations. Par exemple, on en a parlé au début du livre, le voyage de la femme sans mahram. Déjà, ils ont dit, si elle est en sécurité, elle peut voyager quand même. On dit, même si elle est en sécurité, le voyage de la femme sans mahram, il reste interdit. Par exemple, reste le fait de rester seul, avec une femme étrangère pour un homme. C'est quoi la crainte? C'est que Shaitan soit le troisième. Il sera le troisième. Quelqu'un va dire, ouais, mais elle ne me plaît pas, elle n'est pas belle, ou ainsi de suite. Donc, je n'ai pas de problème, je peux rester seul avec elle. On dit non. Même si elle ne te plaît pas, même si elle est âgée, l'interdiction, elle est là, tu obéis, tu restes pas seul avec elle. Touche une femme étrangère. Les gens vont dire, ça ne me fait rien de la toucher. On dit, même si ça ne te fait rien, c'est pas grave. Tu ne la touches pas, quand même. Ou boire de l'alcool. T'as des gens qui boivent de l'alcool, ça leur fait rien. Voire même, t'en as, ils disent, si tu ne bois pas d'alcool, j'agis mal. J'arrive pas à faire les choses. On dit même si l'alcool ne te fait rien, l'alcool reste interdit à la consommation, tu ne consommes pas. Et ainsi de suite. Sinon, on va ouvrir la porte, chacun va faire ce qu'il veut. Il dit moi ça me fait rien, moi ça me fait rien, ainsi de suite. Ou des gens ils vont dire, sans même regarder la chose par rapport aux pilules contraceptrices, quelqu'un va dire moi je suis quelqu'un, je suis, comment on appelle ça déjà ? Hakim en français, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant. Stérile. Donc on va dire je suis stérile, je peux forniquer ? Bah non. Selon cette conception, un homme stérile pourra forniquer, ou une femme stérile pourra forniquer. Donc on va dire, lui il a le droit, mais l'autre qui est fécond n'a pas le droit. Ça serait une chose qui deviendrait inégale. Donc le jugement il est valable pour tout le monde. Même si la raison est évitable, l'acte en lui-même de la fornication reste interdit en lui-même, de toute façon. Thumma yaqul al-muslim azani la yukaffar bi dhanbi az-zina. Al-muslim azani la yukaffar bi dhanb az-zina. Donc maintenant, c'est la question de l'excommunion, le fait de rendre mécréant quelqu'un qui fornique. As-su'al, hal alladhi yazni wa yashrabu al-khamra ayyumkinu lana an naqula lahu anta kafir am la? La question, c'est celui qui fornique ou qui boit de l'alcool, nous est-il possible de lui dire que tu es un mécréant ou pas? Là, c'est une fatwa de l'ajna ad-da'ima. Yaqulun la yuqal liman zana aw shariba al-khamr anta kafir. عند أهل السنة والجماعة بل يقال فيه إنه مؤمن بقدره بقدر ما فيه من إيمان فاسق بقدر ما فيه من معصية. Donc on ne dit pas à une personne qui a forniqué ou qui a bu de l'alcool, tu es un mécréant. Chez les gens de la sunna. Ça ne se dit pas ça. On ne doit pas l'avoir pour croyance. Mais on dit que tu es un croyant en mesure de ce que tu as comme foi. Ou que tu es un pervers en mesure de ce que tu commets comme désobéissance. وما ورد عن من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. Et quant au hadith où le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit que le fornicateur ne croit pas au moment où il fornique, tout comme le voleur ne croit pas au moment où il vole. فمحمول على نفي كمال الإيمان الواجب لا على نفي أصل الإيمان. Donc ce hadith là, comme on doit le comprendre, que cela est une négation de la perfection de la foi, et non pas de la base de la foi. C'est-à-dire que la personne, en forniquant, elle n'a pas une foi complète. Mais la base de la foi est présente quand même. Celui qui vole, au moment où il vole, il n'a pas une foi complète. Mais la base de la foi est quand même présente. C'est-à-dire que la base de la foi, c'est qu'il fasse qu'il soit un croyant. Et quand on dit qu'il n'a pas la foi complète, c'est-à-dire le niveau de foi qui fasse de lui un grand croyant. Comme lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yuminu ahadukum hatta yuhibba liyakhihi ma yuhibbu li nafsihi » Que aucun d'entre vous ne croira tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est quoi? Qu'il ne croira pas réellement. C'est-à-dire qu'il n'aura pas la foi complète. Mais quelqu'un qui n'aime pas pour son frère le bien, on va dire que c'est un kafir pour autant? Non. Ça rentre dans la même compréhension que ce hadith. Sa foi n'est pas parfaite. Donc tous les hadiths qui viennent, parmi les grands péchés qui amènent à ce que la foi soit considérée comme étant inexistante, en fait, c'est juste ce côté parfait et complet qui est existant et non pas la base de cette foi. Pour ne pas tomber dans les chouboua des khawarij et des takfiriyin. Et c'est quoi la réponse qui prouve ce qu'on vient de dire là? C'est le hadith rapporté par Abu Dhar, par Al-Bukhari et même Muslim. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق. قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق. قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. C'est le hadith rapporté par Abu Dhar. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit il n'y a pas de serviteur qui dise la ilaha illallah puis meurt dessus, c'est-à-dire cette parole-là, sans qu'il ne rentre au paradis. Et Abu Dhar, il a dit, même s'il fornique ou qu'il vole, il dit même s'il fornique ou qu'il vole. Puis Abu Dhar, il a dit une deuxième fois, même s'il fornique et qu'il vole, le Nabi Sarsalam a répondu une deuxième fois, même s'il fornique et qu'il vole. Il a dit une troisième fois, même s'il fornique et qu'il vole, le Nabi Sarsalam a répondu une troisième fois, même s'il fornique et qu'il vole, n'en déplaise à Abu Dhar. Malgré ce que puisse penser Abu Dhar. Et après, Abu Dhar allait répéter ce hadith à tout le monde en répétant malgré ce que puisse en penser Abu Dhar. C'est-à-dire qu'il accepte le jugement et répétait le hadith en entier. Même une chose qui a mené à réfuter ce qu'il aurait pu penser de base. tellement il était véridique dans ce qu'il rapportait. C'est-à-dire pour dire que même si vous pouvez penser le contraire, eh ben non, ce n'est pas comme, ce n'est pas de la sorte. Que même s'il vole, même s'il fornique, même s'il boit d'alcool, même s'il fait des grands péchés, mais qu'il est parmi les gens de Tawhid en disant « La ilaha illallah », eh ben il rentrera au Jannah. Et bien sûr, en disant cette parole-là, avec les conditions qui vont avec. Avec les conditions qui vont avec, et ça c'est encore un autre sujet. Par contre, si jamais il vit par la suite, alors bien évidemment, pour que son péché soit expié, il faut qu'il fasse tawbah. Le simple fait de dire « La ilaha illallah » ne suffit pas. Il faut faire une tawbah. D'accord ? D'avoir forniqué et d'avoir bu l'alcool, d'avoir commis tel et tel acte. Sans quoi la personne tarte le wa'id sous la menace du châtiment qu'elle pourrait subir. Thumma yaqul idha kharaja al-muslim min hudud al-shari'a al-islamiyyati hal yanbaghi lil-muslimin an yusallu 'alayhi 'inda mamatihi am la. Donc la question c'est lorsqu'un musulman sort des limites de la charia, est-ce qu'il revient aux musulmans de faire la salat sur lui lorsqu'il meurt? Donc, c'est-à-dire que lorsqu'un musulman dépasse ses limites par les péchés, en transgressant, en étant désobéissant. سويلا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا يختلف إن كان الخارج عن حدود الله مرتدا فليصلى عليه. Il dit donc ça dépend de quelle est sa transgression. Si jamais par exemple c'est une transgression qui amène à l'apostasie, d'accord, qu'il y a des actes que l'on commet qui annulent l'islam, il y en a, d'accord. Alors lui, on ne fait pas la salade sur lui. أما إن كان خروجه بالمعصية مثل زنا ولا يستحل الزنا أو شرب الخمر ولا يستحل الخمر أو معصية أخرى لا يستحلها هذا يصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة لأنها معاصي. Dit quant à celui qui sort de la charia par la désobéissance, comme le fait de forniquer sans pour autant le rendre permis, ou qui boit de l'alcool sans pour autant le rendre permis, ou tout autre péché sans le rendre permis, alors lui, on fait la salade sur lui, on invoque pour lui le pardon et la miséricorde, car ce qu'il a commis sont des marasi. Il ne les a pas rendus halal. Il les a commis en sachant que ce qu'il fait, c'est haram. أَمَّا إِنْ كَانَتْ مَعْصِيَا تُوْجِبُ أَرِدَّهُ وَتُخْرِجُهُ عَنَ الْإِسْلَامِ هَذَا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ مِثْلَ تَرْكِ الصَّلَاةِ نَعُوذُ بِاللَّهِ والجهد لوجوبها ومثل استحلال الزنا يراه حلالا ومثل سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو الاستئذاء بالرسول صلى الله عليه وسلم فالذي يموت ولا هذه الحال لا يصلى عليه هذه ردة عن الإسلام نسأل الله العافية. Quand une personne qui commet un acte de désobéissance qui l'amène à apostasier, qui le sort de la religion, alors lui on fait pas la salat sur lui. Comme par exemple quelqu'un fait pas la salat, il arrête la salat. Donc lui, selon la vie authentique, il devient un kafir. Donc s'il meurt, on ne fait pas la salade sur lui. Et tout ce qui s'ensuit comme règle de koufar s'ensuit pour lui. On n'hérite pas de lui, on ne le lave pas, on ne l'enterre pas auprès des musulmans, et ainsi de suite. Ou celui qui l'a fait la salade quand même, mais qui voit qu'elle n'est pas obligatoire. Il rend permis le fait de ne pas la faire. Lui, pareil, même s'il fait la salawat, il en fait autant qu'il veut, et qu'il voit qu'au fond de lui, il a pour croyance qu'elle n'est pas obligatoire, alors lui, il aura apostasié. Ou alors celui qui rend permis la fornication, ou qui ment, ou, d'accord, ou celui qui insulte la religion, ou alors celui qui insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qui se moque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui meurt sur cela, là on parle de quelqu'un qui à la base était affilié à l'islam, hein. Alors lui on ne fait pas la salade sur lui, car cela est un acte d'apostasie. On a sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui comme ders. Et au passage je répète, je demande aux gens qui participent à ce ders, barakallahu fikum, que je n'accepte pas de profil avec des photos. Quelqu'un qui vient avec un profil avec une photo, je me verrai dans l'obligation de le refuser et de le bloquer. D'accord ? Les gens qui participent à ce ders, car les photos, les images figurées contenant des êtres humains ou des animaux sont interdites en religion. Même si des gens disent le contraire ou des savants se font filmer, ce n'est pas un argument. Et moi, dans mon ders, je reste là-dessus intransigeant et strict. Je n'accepte aucun participant qui est une photo de profil avec son image dessus, ou celle de son enfant, celle de son chien, celle de ce que vous voulez, ou d'un oiseau, ou d'un chat, ce que vous voulez. Taswir, zawat al-arwah. Tout être doté d'âme, dont on voit la tête, d'accord, c'était interdit. Barakallahu fikum. Donc merci de changer cela, d'y remédier, pour qui voudra assister au ders. Et celui que je vois qui persiste, je me verrai obligé de le bloquer. Et je m'en excuse auprès de lui, mais ça pour moi c'est un manque de respect, et avant cela, un manque de crainte d'Allah Azawajal. Car c'est une désobéissance. C'est un acte qui est interdit, c'est un péché. Tayyib barakallahu fikum, naktafi biyad al-qadr, fa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.